Même bambou, oh, même bambou, oh, bambou jangé, même bambou, oh, bambou jangé, même bambou, oh, malé, même bambou, yé pépé, même bambou, oh, bambou jangé, même bambou, oh, bambou jangé, même bambou. Pour que Pen Chagazé la Ré, Pujangé, même bambou. Bambou, même pas bambou.